Why don't you want liberation? In that voice, The peace of the night. Faites-tu imaginer? Que tout de ta vie, chaque heure de ta journée et chaque seconde de ta nuit, chaque seconde de ta nuit, tu vives dans la paix de ton esprit. Fais-tu imaginer? Fais-tu imaginer? Chaque heure de ta journée, chaque seconde de ta nuit, tu vives dans la liberté de ton esprit. Descendre vers l'océan de la musique, l'océan de la musique. Voir ton cœur comme une rivière, retrouver l'océan de la collectivité, de la collectivité. Peux-tu imaginer, oh, chaque heure de ta journée, oh, chaque seconde de ta nuit, l'esprit est libéré. L'esprit est libéré de tous nos dirigeants. Nager dans la paix de la collectivité. Peux-tu imaginer, oh baby, chaque seconde de ta nuit, l'esprit est libéré, l'esprit enfin en paix. On vous aime, bande tranquille.